On va parler de basketball avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut, Danny. Pascal, premier match de l'histoire de l'Alliance de Montréal. Donc ce soir contre Hamilton. Je m'attends pas à un grand match au niveau technique. Je me rappelle l'année passée, c'était pas mal à ce temps-ci. Je t'avais envoyé des images du CEBL, puis tu m'avais dit c'est moyen, mais par contre tu disais, regarde, ils ont peut-être pas eu le temps de s'entraîner. 10 jours pour un grand entraînement, c'est très court, hein? Mais l'année passée, Danny, oublie pas que on revenait d'une année de pandémie où ce que beaucoup d'athlètes n'avaient rien fait, tu sais. Ouais. Fait que je m'attends à ce que le calibre soit à peu probablement meilleur ou les joueurs au niveau de conditionnement, tout ça, c'est tous des gars qui ont joué pendant la saison. Fait que je m'attends à ce que ça soit peut-être plus intéressant pour un début de saison, là, au niveau athlétique, au niveau conditionnement, là, tu sais. La Okay. première fois, je te l'avais dit, Danny, je trouvais que ça avait l'air un peu un match de garage, là. Bon, ouais, Mais c'est ça. mes attentes sont très hautes par rapport à cette année-là, puis à voir nos athlètes là. Ok, donc tu t'attends quoi, la G-League à peu près? Là, toi, tu parles de niveau. Ouais. Fait que, tu sais, la G League, c'est un très haut niveau, là. La G League, c'est pas loin de EuroLeague, là, à certains niveaux. Fait que moi, je m'attends à un niveau comme universitaire américain, là, dans les bons collèges américains, là, tu sais, Parce qu'il y a quand même des bons joueurs, là. Ernst Laroche, c'est un joueur que j'ai déjà interviewé, qui est allé loin. Je pense que tu l'as même connu très bien. Tu connais Oh, tout, je tu connais les as très bien même Ernst. entraînés plusieurs, eux. Ouais. Hein? Mais, comme je te dis, Danny, au niveau de calibre de jeu, Ouais. je pense que c'est probablement meilleur que l'universitaire québécois ou canadien, mais tu sais, est-ce que c'est meilleur que Kentucky Duke? Tu sais, je veux dire, t'as des athlètes d'autres niveaux, là, tu sais. Moi, je pense que ça va être un bon calibre de jeu, puis je mettrais ça peut-être entre l'université, les bons clubs universitaires canadiens, américains, puis peut-être la G League, mais peut-être un petit peu. Tu sais, il y a des gars dans la G League, c'est des phénomènes, là, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on n'a pas Ouais. nécessairement. On n'a pas nécessairement ces joueurs-là. C'est sûr qu'il y a des joueurs de la CEBL qui vont pouvoir percer peut-être dans la G League ou dans la Ligue Ben, européenne. t'as Moon, l'ancien joueur, Xavier Moon, qui s'appelle le meilleur joueur des Stingers d'Edmonton l'an passé. Il est rendu dans G-League. Il est rendu dans Exact. NBA, Non, non, non, non, je te dis, c'est plus certains individus qui vont utiliser certaines ligues. Mais est-ce que la Ligue CEBL, c'est le niveau de la G League? Tu sais quoi, je vais regarder le match, puis je vais te donner mon opinion après. Je regarde quand même la G League aussi, puis l'EuroLeague, là. Ouais. C'est sûr que c'est plus fort. Ça va être plus fort que beaucoup de pays européens qui font du basket, là. Mais tu sais, c'est pas l'Espagne ou Non, l'Italie ou la Ligue non. Non, européenne. non, non. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Ça va être à peu près comme quoi l'Australie, la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a des ligues là-bas L'Australie, aussi? c'est très fort. Fait que je OK. penserais pas que c'est du calibre d'Australie. La Grande-Bretagne, peut-être, ouais. Si tu connais un peu l'Europe, c'est pas. La Grande-Bretagne, c'est pas si fort que ça. Mais il y a quand même du talent. Comme je t'ai dit, c'est dur à comparer à l'année passée à cause de l'année de pandémie. Tu sais, c'est quand même des ligues au niveau financier. Tout ça, c'est pas nécessairement. Il n'y a pas nécessairement les top joueurs, tu sais, mais c'est une ligue. La période, il y a quand même des super bons athlètes qui vont se retrouver là, tu sais. Ouais. J'ai hâte de voir. Je sais qu'RDS va présenter un match, peut-être deux. Je sais que Déception CBC semble pas présenter de match cette année à la télévision. C'est tout. Ça va Ah, tout je à fait. pensais qu'il y avait une entente avec CBC, moi, Ouais, qui mais avait ça les va se matchs faire puis en les. streaming. CBC va Ah, OK, présenter sur les le matchs, site. mais sur leur site. Ah, je suis un peu déçu, je pensais que c'était un contrat de télé, moi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'étais un petit peu Je déçu. pensais Fait que tu m'avais que. parlé d'un contrat de télé, ouais. Mais semble-t-il, est-ce que j'ai surveillé ça, parce que je voulais voir le premier match de l'Alliance, si ça allait être présenté à la télévision. Puis OK. de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il n'y aura pas de match du tout, du tout, du tout de présenté Ah, OK. à CBC, là. Bon, bref, ça va peut-être OK. changer, là. Donc, on va suivre ça de très très près. Je pense que la vente des billets semble positif aussi. C'est 3 000 personnes, tu m'avais. Est-ce que c'est bon pour. Est-ce qu'on va être bon pour aller chez 3 000 personnes? D'après Ben, bonne toi? question. Je souhaite que oui pour l'organisation puis pour la Ligue, là. Ça serait le fun de remplir l'auditorium. Je sais pas si l'auditorium, c'est plus de 3 000. Non, j'ai pas regardé au niveau là, à l'époque, c'était à peu près 3 000. Fait que moi, je Ouais. pense que s'ils vont chercher un 2 000, 2 500, sais, je vais me vanter un peu avec le Matrix, mon premier match, j'allais chercher à peu près 2000-2200 par match. Puis là, on s'attendait pour dire que c'était pas l'intérêt du basket et pas ce qu'il c'est aujourd'hui. Là. Ça a changé beaucoup. Ça n'a pas changé autant que ça, Danny. L'intérêt Raptors, à l'époque était là. Hein? Ouais, ouais, mais oublie l'anomalie de la saison des Raptors. Là. Le basket au Québec a toujours été très populaire, Danny. Mm. Avec toi puis moi, mais au niveau là, de. Tu sais, le Matrix, quand on avait fait le Matrix, on a vendu au début, sauf que la ligue, elle était vraiment pas sérieuse. Là, la CEBS, une ligue, tout est sérieux alentour de cette organisation-là. Fait que c'est ça qui risque de changer la donne. Fait que les partisans, s'ils commencent à aller au match, ils vont probablement continuer à y aller. Tu sais, au Matrix, malheureusement, c'était. Il y a des équipes qui se présentaient pas, puis il y avait des. Tu sais, c'était pas. C'était. Ouais, mais l'intérêt. Le basket à Montréal est très fort depuis très longtemps, Danny. Okay. C'est pas parce que RDS ou TVA en parle que là, tout d'un coup, c'est rendu populaire. Ça l'a toujours été populaire, tu sais. Ouais. Je te parle du basket au niveau plus comme la chanson de la rue, là, tu comprends-tu? C'était ouais. pas, on dirait, en anglais, on dit mainstream, tu sais. Mm. Les Raptors ont fait beaucoup, mais les Raptors qui ont fait l'année qui ont changé le championnat, c'est qu'ils ont été piqués l'intérêt. Et c'est là le basket. Le basket va piquer l'intérêt des non-fans de basket. Tu comprends? Un peu comme le March Madness. Tu sais, t'as des amis qui parlent du March Madness. Ouais. T'as des amis qui parlent du March Madness au basket, Danny, puis c'est pas des fans de basket, mais ils aiment ce formule-là, tu sais. Ouais, ouais. Il y a des événements plus gros que le sport aussi. Fait que, exactement. Tu sais, les Raptors, je l'ai vu avec les Blue Jays aussi, quelqu'un avec les Blue Jays, il y a beaucoup en bague dans le bandwagon. Puis si dans le bandwagon, il reste 5% du bandwagon, ben c'est déjà ça. Moi, c'est le absolument, t'as tout à fait raison. C'est le même que Heave ça. Bon, hier, les Mavericks, ont évité l'élimination. Ben, tu l'as dit, le mot éviter l'élimination. Ouais. Quand j'ai vu 5 joueurs sur le terrain au deuxième quart des Warriors, puis je me suis dit, je pense que Steve Kerr avait déjà décidé qu'il gagnerait pas à Dallas. Là. Honnêtement, là, t'avais deux recrues, t'avais des joueurs qui jouent à peu près jamais. T'avais Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green sur le banc. Jordan Poole sur le banc. Fait que je pense qu'on avait décidé là, qu'on a donné un bon coup. Puis au quatrième quart, ce qui est drôle, c'est que le banc, même Steph Curry l'a dit, le banc ont ramené le match quand même à presque 10 points. Ouais. Mais Dallas, ils ont fait quelque chose qu'il faut qu'ils fassent. Ils ont pris leur tir de 3 points, mais ils ont attaqué le panier d'Annie. Ils ont fait beaucoup plus de points dans la bouteille qu'au match précédent. Tu comprends? Mm. Le match numéro 2, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand ils menaient par 24 points là, contre les Warriors à Golden State. La deuxième demi, ils ont arrêté d'attaquer le panier. Ils faisaient prendre des tirs, mais ils ne réussissaient pas le tir de 3 points. Puis les Warriors sont revenus dans le match. Hein. Okay. Mais ce que j'ai aimé dans le match d'hier soir, c'est que Dallas, ils ont vraiment attaqué le panier. Ils ont vraiment attaqué la défensive des Warriors. Fait que ça serait intéressant. Puis c'est jamais facile de gagner une série, comme on dit, close-out. Ouais. Fait que le prochain match... T'sais, moi, je te l'avais dit, je donnais pas beaucoup. Là. Est-ce que une victoire pour Dallas en finale de conférence, c'est le mieux qu'ils peuvent faire? Moi, je pense que oui. 2, je serais surpris, Danny. Mm. 3, j'en reviendrais pas. Puis 4, ça voudrait dire qu'ils battent les Warriors, je serais vraiment surpris. Là. Moi, je pense que Golden State va gagner le prochain match à Golden State. OK. Hey, Andrew Wiggins. Ils vont attendre les gagnants de Miami. Puis... Boston. Andrew Wiggins, là. Quelle série? Est-ce que c'est ce gars-là? Parce que je m'en rappelle, quelqu'un qui a été repêché, c'était vu comme le joueur canadien, c'était vu comme le joueur qui est peut-être le meilleur joueur qui est sorti du Canada après Steve Nash, tu sais. Hein? Puis au Minnesota, ça n'a pas été un grand succès, hein? Ça n'a pas été le joueur qui a éclaté. Est-ce que le fait qu'il se remonte à Golden State, qu'il n'est plus le leader, Danny, plus, est-ce que c'est ça que la différence? Ouais. Est-ce que tu te souviens d'Alexandre Daigle? Oui, c'était pas. Il y en a plein de joueurs de même, là. La seule différence, c'est que lui, Wiggins, s'est repris dans sa carrière. Mm. Donc, on l'a repêché, on l'a mis vedette avant qu'il soit une vedette. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pas tout le monde qui peut performer à la hauteur des attentes. Minnesota, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Ça y a pris un certain temps. Et je vais être honnête avec toi, les analystes basket américains se moquaient des Warriors lorsqu'ils ont été chercher Wiggins. Mm. Ils se sont dit, non seulement ils ne feront plus jamais les playoffs, mais avec Wiggins, ils vont aller à nulle part. En ce moment, c'est probablement lui, qui fait la plus grosse différence avec Jordan Poole. Défensivement contre Luka Doncic, offensivement, son tir de 3 points s'est amélioré énormément. Tout ce qu'il fait à l'attaque, son activité, les dunks spectaculaires. Je veux dire, là, on voit un Andrew Wiggins comme, tu te dis, OK, mais il n'y a pas la pression d'avoir une équipe sur lui-même. Je ne sais pas si tu comprends la différence d'année. Il y a plein de joueurs de même. Là, fait que je pense que les Warriors, ils ont pris un gamble sur Wiggins, et c'est un gamble qui paye en ce moment parce qu'il est un des meilleurs matchs d'étoiles cette année. Il est un des meilleurs joueurs qu'on peut voir en ce moment là, t'sais, dans la NBA puis en finale de la NBA. Là, t'sais. Puis, tu sais, c'était comme qui a été changé. Il était changé l'année passée, je crois, Danny. Oui, l'année passée, mais avant le COVID, c'est pas avant le COVID qu'il a été changé. Je vais trouver ça, bref, contre qui a été changé. Là, mais je vais trouver ça exactement. Au fil, juste rapide. Là, mais il me semble que c'était pas c'était le gros... D'Angelo, c'est pas D'Angelo Russell? Je vais trouver ça, ce sera pas long. Tu sais, il y en a plein de joueurs de même. Là. Puis finalement, ben, tu sais, il n'y a pas la pression d'une équipe. Et c'est pour ça que je pense qu'il est... Exactement. Ben, je pense que c'est ça la grosse mais différence. Mais quand il a été repêché, je me rappelle, tu m'avais dit, regarde, ce gars-là, c'est pas nécessairement le leader. Hein? C'est ça que tu m'avais dit, je pense. Moi, j'avais dit, c'est pas le prochain LeBron James, c'est peut-être le prochain Iguodala. Okay. C'est ça que j'avais dit. OK. Puis j'ai pas changé mon fusil d'épaule parce qu'Iguodala, quand il s'est joint aux Warriors, non seulement ils ont gagné le championnat NBA, mais c'était lui le MVP de la série contre LeBron James. Luka Doncic, là, je me rappelle quand il était repêché, tu disais que c'était un genre de LeBron James. Puis t'as raison, parce que les années... Est-ce que tu te souviens que t'étais pas d'accord avec moi à 100%? Bah, regarde, juste parce que non, c'est toi qui étais... Non, mais la plupart des gens pensaient pas que c'était ça. Ouais. La plupart des gens, ils ne le voyaient pas dans ce... On commence à le comparer, certains. Absolument. Ah non, écoute, c'est tout un joueur de basket, puis il le démontre en ce moment-là. Oui, effectivement. L'autre série, ça va-t-il à l'ancêtre? Je pense que oui, hein? Moi, je pense que oui, hein? Puis c'est non seulement aller à l'ancêtre, mais ça va aller à l'infirmerie, parce qu'il y a des blessés de chaque côté, là. Ouais. Ça tombe, ça revient, là. Fait que c'est pas facile à suivre, mais... Moi, je pense que ça va aller en 7, d'après moi, Danny. Là. Okay. Souvent l'équipe à domicile a un petit avantage. Moi, je pense que le joueur clé de la série, c'est Jason Tatum. Okay. S'il y a un gros match, Celtics gagne. S'il y a un match ordinaire, Celtics perd. C'est aussi simple que ça. Mais ça va aller en 7, je pense. Ouais, moi, je vois ça en 7. Okay. Avec Miami gagner le match numéro 7. Okay. Bon, ben, Pascal, on s'en reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Danny. Donc voilà, c'était la chronique de la NBA et de la CEBL. On va commencer à en parler de la CEBL avec Pascal. Absolument.